Seigneur, tu es plus grand que tout. Je te place au-dessus des situations qui ont entendu. Peu importe le temps, peu importe, Seigneur, tout ce que je peux voir, peu importe la douleur, je déclare ce soir, tu es plus grand. Ma situation ne change pas ta nature. Tu es Dieu. Au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, tu es mon Dieu, plus grand que tout. Ah, tu es plus grand que tout, Seigneur. On s'amonène et l'Ibkolon Agnos. N'a pas quoi l'élo. Dans un sang, je l'ai dit parce que ma communion, c'est ça bien. Mais dans un le baptême, ça bien, on s'amonène. Ata nazo lela nazo pangusa maya mis nazo déclaré aux anza. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui montre ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tarte des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on l'on dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais ta donné. peut se passer maintenant. C'est pas à force de pleurer que Dieu agit. Juste ta foi ce soir. Juste ta foi ce soir. Juste ta foi ce soir. Juste ta foi ce soir. Oh, alléluia. Ah, ma camboule qui. Ma camboule zolé que la maille. Mais dans un tâteau, les amonnés, mon aîné. Au-dessus de tout nom, pendant quelques secondes, est-ce que quelqu'un peut élever Dieu? Proclamer qu'il est Dieu, qu'il est plus grand que tout. Banda ko bonde la, banda ko place nzambe likolo situation zo comprendre te wana. Banda ko loba nzambe na yebi ke zanango, mais tu es plus grand que ça. Ah. Ah. Oza monene monene. Des fois je reste devant toi, je pleure, je crie, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais cela ne me fait pas oublier. Tu es plus grand que tout. Peu importe la douleur, peu importe ce qui se passe, je déclare ce soir, tu es plus grand. Osa monene monene. Na pokwa lelo moto azoganga monene monene. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que toute situation compliquée. Osa monene. Osa monene. Nous te lèvons, Dieu. Nous t'élèvons, nous croyons, Seigneur, que tu peux tout. Nous t'élèvons au-dessus de tout. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute circonstance. Ce soir, nous t'élèvons. Robo Santa Rabashi. Rakantoroboshi. Yintaraba Kontoroboshi. Yentakorobo Santarabashi. Ye katorobo santaraba. Ye ketelebe kontoroboshi. Ye ndaraba kontorobosa. Ah, tu es celui qui essuie les larmes ce soir. Rakantoroboshi. Change les circonstances. Ye katorobo santarabashi. Alléluia. Opangusa kapinjo ya miso moto. Opangusa kapinjo ya motema moto. Quand tu arrives, Seigneur, toutes ces douleurs s'effacent complètement. Oh, oh, ça mon aime. Nadia Kokani na yo. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Ah, toi qui exauces les prières, nous voici devant toi ce soir. Raconte le roche. Osa li colonna niose. Alléluia. Osa li colonna niose. Oya ki wa pambate. Oya ki concert à Gaëlle. Tu es venu au rendez-vous avec le roi. Le rendez-vous, tu es venu au rendez-vous avec celui qui peut tout, qui a toutes choses entre ses mains. Il est malé qu'à Moko, nous sommes au pauvre. Toto Bolio, Zamoné. Pourquoi les lobanda qu'on visitait mon tombeau? Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. yoke.